Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on explore comment l'intelligence artificielle redéfinit le marketing digital. On va s'appuyer sur les documents qu'on a ici. Notre mission, c'est de décrypter un peu cette transformation. C'est plus que de l'optimisation, on est d'accord? Ah oui, absolument. Le marketing, il a toujours évolué. D'abord le produit, puis le client. Avec le digital, Internet qui a tout changé pour la personnalisation, la mesure. Et là, l'IA, c'est la nouvelle étape clé, un vrai moteur pour atteindre les gens différemment. Ok, allons-y. Les sources montrent bien ça, le passage du marketing de masse, un peu généraliste, à une ère hyper ciblée basée sur les données. Le tableau comparatif, il est assez clair là-dessus. Mais comment l'IA, elle s'intègre là-dedans, dans ce monde déjà très numérique? Mais elle s'en nourrit, justement. L'IA, en gros, c'est une machine qui apprend, qui imite certaines fonctions humaines, à partir de données. En marketing, on utilise surtout l'IA faible, spécialisée. Et son essor, c'est grâce à quoi? La puissance de calcul, des algos plus malins et surtout, le big data. Toutes ces données que le marketing digital génère en permanence. Sans ça, pas d'IA marketing efficace. C'est là que ça devient passionnant. Les applications concrètes, création de contenu, presque automatique et personnalisé, optimisation SEO qui devine ce qu'on va chercher, publicité PPC ultra précise, les chatbots aussi pour répondre tout le temps. Et puis, l'analyse prédictive, savoir si un client va partir. C'est énorme, ça. Oui, et ce qui est fascinant, c'est vraiment l'échelle et la vitesse. L'IA, elle ne fait pas juste ce qu'un humain fait, mais en beaucoup plus rapide et massivement. On passe d'une analyse après coup à une recommandation d'action avant même que ça se passe, parfois, pour des millions de personnes en temps réel. C'est un peu comme un copilote pour le marketeur, quoi. Ça augmente ses capacités. Un copilote, j'aime bien cette image. Ça laisse du temps pour penser stratégie, créativité. Mais est-ce que cette hyper-optimisation, ça ne risque pas de rendre tout un peu pareil? Où est la place pour l'idée géniale, le truc un peu fou? C'est une excellente question. L'idée, c'est pas de remplacer l'humain, c'est vraiment de l'augmenter. Et l'IA, justement, elle peut être un moteur de créativité. Prenez l'exemple de Nutella Unica en Italie, cité dans les sources. Ah oui, les millions de pots uniques, racontez un peu ça. Eh bien, l'IA a généré 7 millions d'étiquettes, toutes différentes, en mélangeant des motifs, des couleurs, inspirées de la culture italienne. Chaque pot était vraiment unique. Résultat ? Tout vendu en un mois. Un buzz incroyable. Impressionnant. Là, l'IA n'a pas juste optimisé. Elle a permis de créer un truc nouveau basé sur l'unicité à grande échelle. C'est bien plus que de l'optimisation, ça. Ça montre un potentiel créatif inattendu, c'est vrai. Mais bon, j'imagine que ce n'est pas si simple. Il doit y avoir des défis pour intégrer tout ça. Ah oui, bien sûr. Les sources le disent bien. Déjà, il y a le coût, évidemment. Mais surtout, la qualité des données. C'est crucial. Si les données sont mauvaises, les résultats seront mauvais. Logique. Il faut aussi les bonnes compétences pour utiliser ces outils. Et puis, et ça c'est essentiel, il faut garder une supervision humaine pour s'assurer que l'IA reste un outil au service de la stratégie. C'est puissant, il faut savoir s'en servir. Alors si on résume, l'IA c'est clairement plus qu'un outil pour le marketing digital. C'est un vrai changeant. Ça permet une personnalisation, une réactivité folle et même de la créativité, on l'a vu avec Nutella. Mais il faut y aller de manière réfléchie, stratégique. Exactement. La qualité des données, le pilotage humain, c'est clé. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Aujourd'hui, l'IA optimise, personnalise. Ok, mais demain, qu'est-il? Comment elle pourrait réinventer la relation même entre une marque et son public? Peut-être créer des interactions, des engagements qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui. Qu'en pensez-vous?